légère, de S. À l'instant, c'est comme ça qu'on F. Spécial guest. Le son du Val de Marne, tu peux pas. J'ai commencé le rap concrètement, sorti du placard. Si j'étais donc, tu m'as pas écrit gros. T'es un fils de bâtard. C'est B-E-S, F-R-I-Z, Z-R. Avec mon saut sur le S-O-N, j'balance une bête de frappe. Comme Ronaldinho sur le terrain, j'arrive devant toi, t'balance une bête de fin. J'ai une bête de fin. J'suis comme tout le monde, j'vais un peu cli avec des bêtes de teint. Sur mon jeu blanc au comico, y'a que des bêtes de plein. La rue c'est dur, tu peux y voir tes potes par terre. Les petites viennent dur car tu les baffes, mais ils veulent plus taire. Ok, poto, 9-4 balles d'être, ma gueule, j't'envoie un petit peu de news avec Freezer. WW, poto, allez regarder les teasers. Eh, j'suis au four au moulin, eh, en même temps le poulain. Eh, si t'es mon pote, remets-moi en place, si jamais j'me poudre hein. Okay. Si t'es ma meuf, pose-toi des questions, j'te mets plus de coudrin. BES Freezer, c'est Gala Galactique sur le même terrain. Tu la veux, t'es sûr tu la veux. La rime est violente et la mort trop présente. Tu la veux, t'es sûr tu la veux. La rime tu la veux, 9-4 trop dangereuse. Tu la veux, t'es sûr tu la veux. La rime est violente et la mort trop présente. Tu la veux, t'es sûr tu la veux. La rime tu la veux, 9-4 trop dangereuse. Le poteau au bon charme, ma vidéo sur le net. Teaser spécial guest réalisé par BES avec les moyens du bord. Grosse plif, on sait le faire, la qualité, j'perds sans fier. FRI2ZR, les critiques, je les enterre. Moi-même avec ma peine, seulement les critiques de ceux qui se prennent la tête, pas celui du vrai auditeur. J't'en veux pas si t'es en chien, si t'achètes pas, au moins tu soutiens. T'es un dealer, c'est son qui sème la terreur. Écoute ces Freezer, j'sais pas pourquoi t'as la haine, j'me souviens pas d'avoir pécho ta russe. Ce sont des petits intus, des grands frères et des petites sœurs. Ceux qui disent qu'ils t'aiment, tu sens quand ça vient du cœur. Mais aujourd'hui y'a plus de cœur, que de la rancœur. Ça cause des soucis pour nos familles, c'est le malheur. Sur ce, j'termine, cerveau branché à la prise. J'récupère l'énergie, c'est j'mesure et j'me tire. Tu la veux, t'es sûr tu la veux. La rime est violente et la mort trop présente. Tu la veux, t'es sûr tu la veux. La rime tu la veux, 9-4 trop dangereuse. Tu la veux, t'es sûr tu la veux. La rime est violente et la mort trop présente. Tu la veux, t'es sûr tu la veux. La rime tu la veux, 9-4 trop dangereuse. Tu la veux, t'es sûr tu la veux. La rime est violente et la mort trop présente. Tu la veux, t'es sûr tu la veux. La rime tu la veux, 9-4 trop dangereuse. Tu la veux, t'es sûr tu la veux. La rime est violente et la mort trop présente. Tu la veux, t'es sûr tu la veux. La rime tu la veux, 9-4 trop dangereuse.